Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « L'Utopie » de Thomas More. C'est Thomas More, Saint Thomas More, le martyr, le futur conseiller de roi, qui avait conçu cette société idéale naturellement fortement critique de l'Angleterre de son temps. Je ne crois pas que Thomas More pensait qu'il pouvait réaliser cette utopie-là. L'écrivaine Dominique de Santi à l'émission Entretien en janvier 1973. En écrivant L'Utopie, Thomas More rêve d'un monde meilleur. Avec L'Utopie, il signe également l'un des ouvrages les plus marquants de son temps. Mais Thomas More n'est pas qu'un rêveur, il est aussi conseiller du roi Henri VIII. C'est un homme qui connaît parfaitement la conduite des affaires de l'État, ce qui rend encore plus intéressant le portrait qu'il fait de la société idéale qu'il imagine dans L'Utopie. Alors Thomas More, c'est la grande figure. Bien entendu, dans toute l'histoire de l'utopie, il y a deux grandes figures. Il y a Platon et puis il y a Thomas More. Platon, c'est celui qui a décrit au fond la matrice de l'utopie, qui sera plus ou moins reprise après lui par d'autres. Thomas More, donc, il est très intéressant aussi comme personnage, car ce n'est pas un philosophe, au fond, c'est un homme de l'histoire, c'est un homme politique, Thomas More. Il est chancelier de l'Angleterre, je crois que c'est le nom exact, c'est-à-dire une sorte de premier ministre d'Henri VIII. Donc c'est un homme vraiment qui connaît les affaires du monde, qui subit de plein fouet cette violence, cette beauté, mais cette horreur aussi de la Renaissance. Et il va se prendre de bec, si on peut dire, avec son roi, avec Henri VIII, qui lui est carrément l'homme de l'histoire, qui ne se pose pas de questions. Lui, il sabre, il tue, il se marie, il se remarie, il devient le pape de l'Angleterre, etc. Enfin, il n'a pas de scrupules moraux ni métaphysiques, mais c'est un génie, mais il n'a pas de scrupules. Alors, son chancelier, il va inventer son utopie. L'écrivain Gilles Lapouge à l'émission La Renaissance en 1986, pour nous parler de Thomas More et de son célèbre ouvrage L'Utopie, je reçois Alex Bellemare, qui est docteur en littérature française et chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa. Alex Bellemare, bonjour. Bonjour. C'est vrai que parler de Thomas More, c'est, Alex Bellemare, à la fois parler d'un des personnages les plus importants dans l'histoire politique de l'Angleterre du 16e siècle, mais aussi parler de l'auteur d'un des livres qui va marquer son temps. Comment résumer l'importance qu'a eu Thomas More à la fois dans l'histoire politique de l'Angleterre et à la fois dans l'histoire de la littérature? En fait, Thomas More, c'est assez simple, c'est l'humaniste exemplaire de la Renaissance. C'est effectivement un homme qui brille à la fois par sa grande érudition, mais aussi par ses qualités oratoires. C'est quelqu'un qui est tout à la fois un homme d'État, on l'a entendu dans l'extrait, un homme d'État, un homme politique et un homme de lettres. Donc, c'est vraiment un touche-à-tout qui brille dans plusieurs domaines à la fois. Mais comme on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est essentiellement l'auteur d'un livre, L'Utopie, publié en latin en 1516, et qui est au fond un livre qui présente une société à la fois visionnaire et idéale. Et avec L'Utopie, on peut vraiment dire que Thomas More fonde deux choses, donc à la fois un genre littéraire, hein, qui va avoir une influence durable, et aussi une forme de pensée politique, hein, donc l'imagination politique, comment on peut, si on veut, utiliser la fiction pour imaginer d'autres possibles politiques. Et on peut dire, je pense que c'est L'Utopie, c'est cette œuvre-là qu'il nous a laissée, qui est vraiment un classique de l'histoire de la littérature, qu'on retient surtout. Bien sûr, il a été important politiquement en son temps, mais c'est L'Utopie qui a retenu la postérité. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que on sait moins que Thomas More a aussi écrit des comédies, des ballets, des poèmes, qui a aussi écrit une œuvre historique sur Richard III. Donc, on connaît beaucoup plus, effectivement, Thomas More pour L'Utopie, mais c'est effectivement aussi un homme politique extrêmement influent et extrêmement dynamique dans l'Angleterre de la Renaissance. Alors, pour bien comprendre le parcours qu'il va avoir, son parcours intellectuel, son parcours politique aussi, il faut peut-être remonter à ses origines. Ça nous en dit déjà beaucoup sur lui, sur ce qu'il va devenir. À quel milieu il appartient, Thomas More? Thomas More, c'est, si on veut, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la noblesse. Hein. Il naît, si on veut, dans une famille bourgeoise assez importante, mais quand même pas du tout dans, dans l'aristocratie. Son père, c'est un fils de boulanger. Son père, c'est l'exemple même du self-made man à l'anglaise. Ouais. Donc, il commence fils de boulanger, il devient avocat et ensuite il devient juge dans l'une des plus grandes cours d'Angleterre. Et c'est véritablement ce qu'il veut léguer aussi à son fils Thomas More, qui fréquente les meilleures écoles à Londres. Mais c'est essentiellement donc cette volonté de faire de son fils la concrétisation de la station sociale. Donc, ce qu'il veut, au fond, avec Thomas More, c'est qu'il soit d'abord et avant tout un homme politique. Sauf que Thomas More, étant donné qu'il vit dans un contexte d'effervescence culturelle, ce qui l'intéresse aussi par ailleurs, c'est la littérature, c'est les correspondances, c'est les voyages. Donc, il y a effectivement deux, si on veut, deux tensions assez importantes dans son œuvre. Et les rencontres, c'est toujours important dans le parcours de quelqu'un. Il y a des influences qui vont être durables et qui vont venir assez vite dans sa vie, du côté de l'Église, d'une part, et du côté de... C'est évidemment, l'Angleterre est une monarchie. Il va très vite être en contact avec les Tudors. Ça aussi, la famille des Tudors, ça va être important, ça, pour la suite. Oui, ça va être absolument important. C'est-à-dire que Thomas More va devenir plus ou moins à la fois le conseiller politique d'Henri VIII, mais aussi son ami personnel. Ouais. Donc, il va avoir une amitié qui va cultiver, en fait, c'est-à-dire que Henri VIII va peut-être considérer Thomas More comme une figure assez paternelle. Hein, donc, c'est celui qui est la figure du sage, nuancé, qui est mesuré. Donc, il va un peu, si on veut, contraster avec le côté très sanguin d'Henri VIII. Donc, oui, c'est absolument important à la fois pour, si on veut, la fin de l'ascension sociale de Thomas More, mais aussi pour la fin de sa vie, puisque oui. Henri VIII et Thomas More vont évidemment avoir une querelle à la fin de la vie qui va avoir raison au fond de... Qui va le conduire à l'échafaud. Tout à fait. Carrément. Parlons, avant de parler de cette fin tragique, parlons un petit peu du début de son parcours politique, de ce qui va finir par le conduire à être conseiller du roi Henri VIII. Il est élu député au Parlement de Londres en 1504. Thomas More, racontez-nous un petit peu cette... Vous parliez d'ascension sociale. Cette ascension, en tout cas, sur le plan politique de Thomas More. Voilà. Donc, si on veut, la raison pour laquelle il est si performant politiquement parlant, c'est parce qu'il est d'abord surtout un orateur exceptionnel. C'est en tant qu'avocat qu'il va d'abord avoir des contacts à Londres, et c'est aussi grâce à ses qualités d'orateur exceptionnel, de tribun incroyable, qu'il va petit à petit devenir de plus en plus impliqué dans la mondanité politique de l'époque. Donc, au fond, l'une des choses qui est assez importante dans son parcours, c'est lorsqu'Henri VII, qui est le premier roi des Tudors, arrive sur le trône, il y a ce qu'on appelle la querelle de l'impôt. Henri VII va vouloir lever exceptionnellement un impôt absolument extraordinaire de 90 000 livres sterling, qui est à l'époque une somme absolument colossale, pour des besoins qui sont absolument personnel. Donc, Thomas More va contester au Parlement cette décision royale, et Henri VII va comprendre qu'il a affaire à quelqu'un qui a des principes droits, qui veut, au fond, donner un contre-pouvoir à la monarchie ou à la tyrannie qui est possible lorsqu'on laisse les monarques faire un peu ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est un coup d'éclat qui fait qu'il va se faire remarquer. Et cette droiture dont vous parliez, elle est appréciée. C'est un peu ça qui... La force de Thomas More, cette droiture, c'est un peu ça qui va le conduire à se retrouver conseiller d'Henri VIII. Oui, c'est à la fois un homme d'érudition, mais un homme aussi d'action. C'était très important pour Thomas More. Il a eu à ce sujet parfois des querelles avec son grand ami aussi de la Renaissance, Erasme. Pour lui... une vie remplie, une vie pleine, c'est allier l'humanisme, donc l'érudition, la lecture des textes anciens, mais aussi l'action politique. Donc, c'est important de justement conseiller, philosophiquement parlant, ouais. les chefs d'État hein, pour leur donner, si on veut, une direction à la fois morale et éthique. Et il aura une importance certaine auprès d'Henri VIII. On y vient dans un instant. Mais juste avant, on écoute l'auteur Louis Le Sage parler. Vous le disiez, c'est un ami d'Henri VIII, carrément. Hein, plus qu'un conseiller du roi, c'est son ami. Louis Le Sage parle de cette très grande proximité qui a existé entre les deux hommes, extrait de l'émission Le matin de la fête, diffusée le 5 février 1989. C'est très important de dire qu'Henri VIII était un grand roi d'Angleterre. Thomas More était très enthousiaste face, et comme à peu près tous les intellectuels anglais de l'époque, de voir arriver sur le trône d'Angleterre ce roi éminemment épris des arts, de la culture et des lettres. Et pour eux, c'était une lumière, c'était le début. C'était la sortie de l'Angleterre de cette période plus morose qui avait précédé auparavant la fin de la guerre des Deux Roses, puis tout ça. Alors, Henri VIII représentait un avenir. Et très tôt, les contacts et les relations avec, entre Thomas More et Henri VIII étaient excellentes. Le roi l'appelait souvent à la cour pour l'entretenir de choses et d'autres. On parlait d'astronomie, de littérature, d'art et de lettres, au point où Thomas More lui-même se plaint, quelque part, peut-être à Erasme, il lui dit que sa présence auprès du roi l'empêche d'être présent à sa famille parce que souvent le roi le garde avec lui après les journées de travail pour échanger sur plusieurs sujets. Donc, la relation était très proche. Oui, vraiment une grande, grande proximité. On le comprend bien, Alex Bellemare, en écoutant cet extrait entre Thomas More et le roi d'Angleterre, Henri VIII. Qu'est-ce que ça va donner concrètement? Quel genre d'influence il aura, quel poids il aura politiquement, Thomas More, comme conseiller du roi? C'est un poids qui est, j'ai envie de dire, tout à fait déterminant. C'est important de comprendre qu'Henri VIII accède au trône à 17 ans. À ce moment-là, Thomas More a 30 ans. Et c'est une relation qui va se nouer autour de cet échange entre la sagesse de Thomas More et le goût de renouveau d'Henri VIII. Donc, c'est le rôle, si on veut, politique de Thomas More, c'est essentiellement modeler la pensée qui est parfois un peu hétérogène, un peu éparpillée d'Henri VIII, hein, pour lui donner une direction avant tout morale et humaniste. Hein. Donc, le rôle politique de Thomas More, c'est plus ou moins celui... pas du contre-pouvoir, mais celui qui va essayer de donner une direction, si on veut, un peu plus philosophique aux décisions qui sont prioritairement politiques. Canaliser toute cette énergie du jeune et fringant Henri VIII de l'époque. Son destin, cela dit, autant il sera proche de ce roi, autant il sera avec Henri VIII au fait de sa gloire et de sa puissance, Thomas More, autant c'est par Henri VIII qu'il va périr. On le disait, il va se retrouver à l'échafaud sous les ordres du roi. Qu'est-ce qui se passe pour que le destin de Thomas More bascule de cette façon-là? Oui, effectivement, vous avez raison de le noter. La présence d'Henri VIII dans la vie de Thomas More, c'est à la fois celui qui concrétise son ascension sociale en faisant de lui un conseiller politique extrêmement influent, mais aussi celui qui va causer la perte de Thomas More. C'est toute l'affaire, au fond, du deuxième mariage d'Henri VIII qui cause, si on veut, la catastrophe ou la chute de Thomas More. Pour le dire assez rapidement, Henri VIII, officiellement, veut se divorcer de Catherine d'Aragon parce qu'elle est incapable de lui donner un enfant mâle, mais officieusement, c'est surtout parce qu'il a développé une relation amoureuse avec Anne Boleyn. Et à ce moment-là, Thomas More refuse d'assister au mariage d'une part. C'est pas encore tout à fait une trahison, mais ce qui va devenir une trahison contre le pouvoir royal, c'est que Thomas More refuse de signer l'accord de succès que Henri VIII décide de mettre de l'avant, contrairement à ce que l'Église de Rome avait signifié. Donc, ce que ça veut dire, au fond, c'est que Thomas More décide de s'allier avec l'Église de Rome, oui, plutôt que de s'aligner avec les propositions royales. Au fond, c'est la création à ce moment-là, en 1533-1534, de l'Église anglicane. Oui. Hein, le schisme et le protestantisme anglais qui va commencer à partir de ce moment-là, hein, pour que Henri VIII puisse se remarier comme bon il lui semblait. Et Thomas More, sans faire de mauvais jeu de mots, refuse ce divorce d'Henri VIII avec, non pas seulement sa première femme, mais avec l'Église, avec l'Église catholique de Rome. Il refuse ce divorce-là parce que c'est, ben, vous nous en parlerez tout de suite, mais parce que c'est d'abord et avant tout, c'est un citoyen britannique, c'est un conseiller du roi, mais c'est quelqu'un qui a des convictions religieuses profondes, chrétien, catholique. Tout à fait. Ça a été une tension ou un combat toute sa vie entre servir ses semblables politiquement, civiquement ou plutôt servir Dieu. Il a voulu parfois, il a contemplé l'idée de faire une vie monacale. L'histoire, ou la petite histoire plutôt, dirait que c'est parce qu'il avait le goût des femmes et qu'il ne voulait pas effectivement avoir le côté très austère de la vie monacale. Par ailleurs, c'est ce qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'utopie, hein, ce sentiment de communauté, de partage absolu. Donc, Thomas More est vraiment, si on veut, enthousiasmé par la question religieuse, et vous l'avez souligné, il est un citoyen britannique, mais il est un chrétien d'abord. Ouais. Hein, et c'est cette, si on veut, c'est cette intransigeance-là par rapport à sa foi religieuse, sa foi catholique, qui va vraiment désespérer Henri VIII. Au moment où il est emprisonné, en 1533-1534, beaucoup de ses proches, de ses amis, même Henri VIII, souhaitent qu'il fasse, si on veut, pas amende honorable ou presque, hein, ne serait-ce que de façade, pour pouvoir, au fond, ne pas aller à l'échafaud, ne pas mourir pour une question qui serait aussi simple à régler, si on veut, par une simple signature. Parce qu'il meurt sur une question de prince. principe. Et ce principe, c'est que pour lui, l'Église des hommes ne peut pas être sous la domination ou dirigée par un homme politique, par le roi d'Angleterre. Pour lui, l'Église doit être dirigée par le pape qui est le représentant de Dieu. C'est ça, ça son raisonnement. Oui, voilà, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs. Hein, il y a d'abord le pouvoir politique, il y a d'abord le pouvoir religieux et catholique, il y a ensuite le pouvoir politique, ouais. Et ça ne peut pas s'incarner forcément dans la même personne. Ce qui fait que, évidemment, l'Église catholique va... Cette figure de Thomas More, qui, pour des questions de principe, va sacrifier sa vie, ça devient une figure extraordinaire pour l'Église catholique. Il va finir par être béatifié, Saint Thomas More. Tout à fait. Donc, c'est à la fois Sir Thomas More et Saint Thomas More. Hein, donc, il a les deux titres. Mais effectivement, il meurt en martyr. Hein, et c'est pour les catholiques le symbole par excellence de l'insoumission face au pouvoir politique. Hein, c'est de celui qui a une constance absolue dans sa foi. Dans ses lettres de prison, il va dire à plusieurs reprises, il va essayer de comparer plus ou moins son passage à la Passion du Christ. Hein. Donc, pour lui, c'est le moment exemplaire pour montrer au monde britannique qu'il est d'abord et avant tout un catholique. Ouais. Venons-en à l'homme de lettres, Thomas More, le littéraire. Quelle place, Alex Belmar, vont occuper les lettres et la culture dans la vie de Thomas More? Et quelle place va occuper More dans l'histoire de la littérature? En fait, sa place est assez dominante. Hein. C'est-à-dire que Thomas More est à la fois... il fait partie prenante de la Renaissance, mais c'est aussi l'un des plus grands animateurs de la Renaissance. Il va participer très activement à la redécouverte des textes anciens, hein, qui est l'une des grandes caractéristiques de la Renaissance. On redécouvre la philosophie grecque. Il va faire plusieurs traductions du grec au latin. Il va avoir une correspondance avec les plus grands érudits de l'époque. On a parlé d'Erasme tout à l'heure dans l'extrait. Il y a aussi Pierre Gilles. Hein, donc, il est, si on veut, au cœur de cette Renaissance intellectuelle et savante. Il va aussi être diplomate pendant un certain temps. Donc, il va faire des voyages en Flandre. Et cette expérience du voyage va être assez présente aussi dans l'utopie. Hein. Donc, on est au moment où les grandes découvertes, l'Amérique n'est pas découverte, mais plutôt visitée par les Européens. Ouais. Hein, ça va frapper l'imaginaire de façon assez radicale. Hein. On se rend compte, l'Européen se rend compte qu'il n'est plus tout à fait au centre de la création. Il se rend compte aussi qu'il doit se relativiser par rapport aux mœurs et aux coutumes d'autres sociétés. Hein. Donc, tout cet esprit-là va accompagner la réflexion de More dans l'utopie. Alors, on y vient plus directement à cette fameuse utopie. C'est en 1516 que Thomas More publie son célèbre ouvrage, L'Utopie. Je serais trop long si je rapportais ici tout ce que Raphaël a vu dans ses voyages. D'ailleurs, ce n'est pas le but de cet ouvrage. Peut-être compléterai-je son récit dans un autre livre, où je détaillerai principalement les mœurs, les coutumes et les sages institutions des peuples civilisés qu'il a visités. Sur ces graves matières, nous pressions Raphaël d'une foule de questions et lui prenait plaisir à satisfaire notre curiosité. Nous ne lui demandions rien de ces monstres fameux qui ont déjà perdu le mérite de la nouveauté. Des Cils, des Sélènes, des Lestrigons mangeurs de peuples et autres harpies de même espèce, on en trouve presque partout. Ce qui est rare, c'est une société sainement et sagement organisée. Le comédien Luis de Céspedes lisant un extrait de L'Utopie à l'émission de Grands bâtisseurs d'Utopie diffusée en 1981. Alors, de quoi parle donc L'Utopie, Alex Belmar? Pour le dire plutôt rapidement, c'est L'Utopie, c'est deux livres. D'abord, le premier livre, c'est celui de la critique de la société anglaise de l'époque, hein, ses torts, ses injustices, les inégalités sociales qui y sont présentes. Et de l'autre côté, le livre 2, c'est celui de la présentation d'une société idéale, imaginaire certes, mais idéalement et rationnellement constituée. Et c'est vraiment dans ce dialogue constant, dans cette espèce de dialectique entre ce qui va mal en Angleterre et ce qui pourrait aller mieux en utopie, hein, que le sens de l'utopie va vraiment avoir tout son sel. Voici d'où nous partons, voici où nous devrions, où je rêve que nous soyons à terme. C'est un petit peu ça la démarche dans ces deux livres. Qu'est-ce qu'il veut faire, de fait, avec son utopie? Il ne faut pas oublier, cet homme-là, c'est un littéraire, mais c'est aussi un homme politique. Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'utopie? Tout à fait. C'est l'une des plus grandes, si on veut, sources de confusion ou d'interrogation confrontation entre spécialistes de l'utopie. Est-ce qu'il voulait vraiment que l'utopie se réalise dans le concret des choses? C'est peut-être... ma réponse serait dans l'entre-deux. Je dirais qu'avec l'utopie, ce que Thomas More veut faire, c'est d'essayer de montrer comment on peut construire une société sur des fondements non pas monarchiques, mais plutôt rationnels, de voir comment, si on construit une société rationnellement, comment on peut aussi arriver à des lois justes et morales. Au fond, je crois que c'est... dans l'entre-deux, c'est le dialogue qui est vraiment important, c'est de montrer de façon radicale comment la société anglaise se distingue de la société utopique, hein, pour essayer de voir un espèce de juste milieu. Et une société, en gros, une société plus juste, c'est l'esprit de l'utopie, il est là, d'abord et avant tout. Voilà, donc le premier principe ou le principe le plus important, c'est celui d'un communisme avant la lettre. Hein, donc, le principe de propriété est complètement effacé. Tout appartient à tout le monde, personne n'est propriétaire de rien, tout est redistribué équitablement. Hein, donc, dans l'utopie, il y a cet esprit-là de communauté qui est fondamental. Hein, et on a un principe de gouvernement qui est absolument l'exact contraire de celui qui a cours en Angleterre. En Angleterre, on a le roi d'abord, le peuple ensuite, tandis que dans l'utopie, c'est l'inverse. Hein, c'est le peuple d'abord et ensuite le dirigeant. Il y a une chose qui peut étonner, parce que l'utopie, c'est devenu plus qu'un ouvrage, c'est devenu, vous le disiez, un genre littéraire, c'est devenu un concept qu'on interprète parfois mal avec le temps qui a passé. Et l'une des choses intéressantes quand on se ramène à l'ouvrage de Thomas More, c'est que dans cette utopie, c'est un lieu, l'utopie, il faut le dire, donc on vit d'une certaine manière en utopie. Et quand on examine à quoi ça ressemble la vie à utopie très concrètement, on peut être choqué, ou en tout cas en contradiction avec l'idée qu'on se fait aujourd'hui de l'utopie. C'est une société qui est très rigide, très conservatrice à certains égards. Tout à fait. C'est presque terne, parfois. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée du paradis perdu, de luxuriance, d'extravagance avec des richesses extraordinaires. Bien au contraire, on est dans une vie très, très, très mesurée. Tous les éléments de la société sont créés pour travailler ensemble. Au fond, on est dans une force collective et on a souvent dit, au fond, que dans l'utopie, on est en train de plus ou moins effacer l'individu. Hein? Donc, l'individu, en tant que, qu'être singulier, est mis de côté pour être l'individu qui participe globalement, hein, de façon générale, au bien-être de la société. Qu'est-ce qui reste de cet ouvrage-là qui a été vraiment important? Avec nos yeux d'aujourd'hui, quand on lit ou relit l'utopie, en quoi ça reste pertinent, actuel, Alex Belmore? Il y a beaucoup d'utopies encore qui s'écrivent. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'écrivains, de penseurs qui se réclament de l'utopie. Il y a d'un côté, je dirais, la banalisation du mot dans le langage courant, qui signifie plus ou moins l'irréel, le chimérique, l'imaginaire. Et de l'autre, on garde, si on veut, le sens très, très, très politique, très connoté, très fort, très chargé de celui de critique radicale des sociétés actuelles. Ce qui reste de l'utopie, au fond, c'est l'idée d'un concept, d'un instrument qui permet d'imaginer d'autres manières de faire société. Alex Belmore, docteur en littérature française, chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa, c'était un plaisir de vous recevoir, c'était fascinant de vous écouter. Merci beaucoup. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.